بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. يا أخي هذه دعوة، هذه دعوة، افهم أنت أو غيرك، هذه دعوة أرواحنا ودماؤنا فداها. والله لمن مسها بسوء أنني لأبذل كل وسعي في بيان باطله وفي بيان سوءه، ولينتقم من الله سبحانه وتعالى منه، لأن الله غيور على أهل الحق والسنة. الشيخ عبيد هداه الله إلى رنتر في الفتنة، لها في جمال جدا، ما يسيب خيئة يكون للنبو الشيخ يحيى. إلى لو لردود إلى ريبوندو مسألة الجامعة ونا فيه كستيل فوندي سوغ الرفق وعلم، لكن نسأل الله العافية. نحن قلنا لكم كلامه صفر على الشمال، كلام عبيد في دار الحديث بدماج، والله والله يا شيخ عبيد، واسمع مني كلام ثقة إن شاء الله، أن كلامك في دار الحديث بدماج وفيما قلته في مثل هذا أنه تاريخ أسود في جبينك، إلا أن تتوب إلى الله عز وجل. طهمونيخ ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 6. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا أمس تناقض الشيخ عبيد في تناقض في قوله أن نشأة الشيخ يحيى ليست علمية، يعني أنه تناقض واضح لما قال قبل وإذ كان عنده علم. أنا بدمتخي أن une personne qui a du علم c'est qu'elle a appris العلم، c'est qu'elle a fait des efforts pour arriver à ce niveau de العلم، et ça montre que النشأة والتربية التي على العلم، هذا تناقض واضح. يعني لي كلام عبد الرحمن العدني qui démontre بطلان هذا القول أن الشيخ يحيى il n'était pas حول العلم، il n'a pas eu نشأة علمية كما يقول. Et on a lu كلام عبد الرحمن العدني qui démontre أن الشيخ يحيى منكبا كما قال، il est toujours الحد منكبا على العلم صباح مساء. الحقيقة قولي لعجيب، الشيخ يحيى il a une centaine de livres الآن، وأكثر si إذا طبعت كلها إن شاء الله سوف أكثر des centaines ربما des milliers d'audio avec les خطاب avec les محاضرات، des milliers de طلاب à مركز une da'wa des élèves، ses élèves بعض certains de ses élèves ils ont des مراكز des mosquées كما تعلمون، ما أحد ينكرها خاصة في اليمن. أما dans certains pays ربما avec ses أقوال بعض الناس ils ont une image بسبب هذه الشبهات. أما celui qui est au Yémen il vit la chose وليس الخبر كالمعاينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يزيك هذا القول لبعيد. الله بعض أهل البدع يغكونس أن الشيخ يحيى له علم، بعض أهل البدع يغكونس أن الدعوة السلفية في دماجة لقوية، لكن يغبخش دي شوز يسون دور يسون متشدد من هذه الأمور كي يغبخش بباطل. أما أن الشيخ يحيى له بعض علم سيزي لا يزون بعض علم، لا أبدا، هذا سنقول بعيد. ثم On a lu كلام شيخ عبيد كذلك، لا سويت قوله نشأة الحجور سوقية، سوقية لماذا؟ قال لأنه كان يعمل في المملكة العربية السعودية أعمالا، فرواية تقول إنه كان يعمل في ورشة سيارة، ورواية تقول إنه يعمل في محلات رخيصة السعر يسمونها كل شيء بالريالين. تقدم الرب on s'est arrêté، on devait citer les adillah، on avait cité أمس أن إلى cité de رواية فسي لكلك صحيحة، هذا أولا. ثم الشيخ يحيى لمام إلى نيه هذا إلى ديمانتي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي، celui qui prétend une chose il emmène le dalil، أين الدليل على هذا؟ كذلك سدي رواية دو مجهول، فرواية تقول كي سيك رابورتي سيت رواية، لأن الشيخ عبيد لا شك il était pas avec الشيخ يحيى en Arabie Saoudite، il se connaissait pas à cette époque. Enfin, qui c'est qui lui a rapporté ça? Il faut un isnad. Isnad, ça remonte jusqu'à Cheikh Yahya. إسناد صحيح. لكن صاحب القصة لا دمانتي. فالكلام الآن إلي با مقبول. حتى هم إذن دلسي مثل هذا الكلام. إذن إسيي تشويش الصورة. ثم هذا الكلام on l'entend plus là. لكن نحن لما dans le site الآن pour démontrer أن أصل de cette fitna خاصة الآن on est avec Cheikh Ubaid أن الأصل c'est مبني على هذا. هذا c'est ça qu'ils ont. Petit à petit ils vont ressortir des choses, ils vont... Lakin le départ l'an hada. Wa ma bunya ala fasid fa huwa fasid. Une chose qui est fondée sur quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas sahih, elle n'est pas sahih. Comment on est arrivé au troisième rat? Wa law thabata dhalik kama qulna ams ma kana naqsan fi Cheikh Yahya. Si ça serait thabit, nous on sait que c'est pas thabit. Lakin si ça serait thabit, c'est pas un naqs, c'est pas un rat. C'est pas un ta'am. Ya'mal tant que c'est halal. بل كما تعلمون احيانا العمل ça peut être واجب c'est une famille et t'as le droit de travailler et ta famille ils ont besoin et le travail il y a pas de مخالفات في هذا الحال c'est طيب بل قد يجب tu vas pas laisser ta famille في تعب لا يجوز et t'as pas le droit de laisser ta famille maintenant aller demander انت تعمل et باذن الله ils sont في خير et t'es على خير bien sûr il y a pas de مخالفات tu fais des efforts في الدين c'est طيب خاصة في بلاد المسلم Il est où le mana? Al-An, Cheikh Yahya, ce qu'il reproche l'An, c'est le Saoudia. Al-An, طيب, il est le Saoudia et il y a l'Ishkab. Ma'ana, l'Amal, il est pas thabit, lakin, Adam est babit taqdir. Et ensuite, بعض الأحاديث في فضل العمل, Cheikh Yahya l'a cité, il a écrit un rad, Al-Idah. Il avait écrit un rad à la هذه الكذبات. Et il avait cité l'adilla pour démontrer qu'il n'a pas aussi l'aurait travaillé. Aïn al-mani. Il a cité parmi les hadiths ma akhrajahu l'imam al-Tirmidhi bi sanadin sahih ila Anas radiyallahu anhu qal kana akhawan ala ahdi al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Aula l'an, c'est sahaba. Deux frères à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deux sahaba. Ils étaient jeunes. Fa kana ahaduhuma ya'ti al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un d'eux, il étudie avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. قال والآخر يحترف قال ابن النووي رحمه الله في رياض الصالحين قوله يحترف أي يكتسب ويتسبب أي يعمل deux frères un d'eux il travaille et un d'eux il étudie avec le Nabi عليه الصلاة والسلام il reste en compagnie du Nabi صلى الله عليه وسلم il apprend العلم comme le hadith معروف أن un des deux frères il s'est plaint celui qui travaille il s'est plaint au prophète صلى الله عليه وسلم il a dit يا رسول الله أنا je travaille c'est un travail commun pour la famille ربما des مزارع ربما une تجارة Et un des frères, il travaille et l'autre ne travaille pas. Et il s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ya Rasulallah, Anna, je travaille. Et mon frère, Hada, il reste avec toi, il ne m'aide pas. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la'allaka turzaq bih. Un dalil, anna, talab al-ilm, c'est min asbab al-risq. Il lui a dit, laisse-le, inshallah, ton risque va venir. Bi sabab hada, li'annahu yitlab al-ilm indi. Ma'ana al-hadith. Al-shahid, nahnu de tout ça. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ankara ala man ya'mal? Est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit à celui qui travaille ne travaille pas, c'est pas bien de travailler? Abatan. Il lui a dit celui qui t'lab l'ilm, inshallah, c'est min asbab al-rizq. Et lui, il lui a pas dit de ne pas travailler. Abatan. On a cité hada limada pour démontrer que travailler c'est pas un aïb. Abatan. Wa fi sahih al-Bukhari, 'an al-Miqdam, radiyallahu anhu 'an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qal ma akala ahadun ta'aman qat khayran من أكل من أن يأكل من عمل يده. Ça c'est un fadl عظيم pour celui qui travaille في الحلال. ما أكل أحد طعاما قد خيرا. Le meilleur طعام que tu peux manger, comme il a démontré le prophète sallam, c'est le طعام, la nourriture que tu achètes avec le عمل que tu as fait avec tes mains. هذا c'est أفضل الطعام. Ça montre qu'on a travaillé un fadl adhim, bien sûr, avec des conditions. Que ça soit halal, qu'il n'y a pas de contradiction, sunna, pas de mixité. Ma'arouf, hal. Qala wa inna nabi Allah, Dawood, alayhi salatu salam, kana ya'kul min amal yadir. Ça, c'est une preuve. Anna Dawood, alayhi salatu salam, il travaillait. Et il mangeait avec le salaire de son travail. Dawood, alayhi salatu salam. Limada reprocher à Cheikh Yahya hada? Aïna wajal intiqad l'an? Tata'ajab. والله c'est pas des redoutes علميه هذه tu as quelque chose à reprocher reproche بعلم بدعه مخالفه اصل معصيه كفر شرك c'est un dalil نعم ننتقد في هذا اما كان يعمل في السعوديه اين الاشكال الان si on vient faire un recensement de tous les طلاب علم et tous les ulama qui ont travaillé Cheikh Al-Albani رحمه الله عليه il a travaillé pendant des années معروف C'était un horloger, il avait un mahal de montre. Et arrivé un moment, ça lui prenait du temps, il l'a délaissé et il s'est consacré à l'ilm. Est-ce que c'est un axe? Ben c'est cité dans la biographie de Cheikh Al-Albani. Annahu kana ya'mal. Et c'est fadila pour lui. Fadila. Sunni hakada, il fait tout pour ne pas demander. Il l'a fait d'arora. Amma ghayr dhalik, la yajouz, il demande. Et un moyen pour ne pas demander, c'est de travailler. Nahnu rubbama, on répond, si c'était vrai, Cheikh Yahya, il avait un besoin. Il a une famille. Rubbama, c'est pour aider ses parents. Tout ça, c'est un fadl. Si ça serait thabit, lakin, c'est pas thabit. Et celui qui se consacre à talab al-ilm, comme il l'a fait Cheikh Yahya, fayyib, la'allaka turzaq bih. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit au chef d'aller travailler. Nahnu, c'est pas tout ce kalam, c'est un hadith, il ne faut pas comprendre, il faut travailler là. Lakin, s'il y a besoin, tayyib. Lakin, celui qui peut se consacrer à talab al-ilm, c'est ahsan là. Et tout ça, ça dépend des cas. على كل حال سكلام إلى سبع كلام علمي أبدا روايتان رواية تقول يعمل في ورشة رواية تقول في محلة رخيصة إنه ذي أبخ وبعد إيش فيه تتعجب الردود العلمية مسألة الجامعة الإسلامية سلك فلدي ردود avec علم avec أدب أما الآن هذا الكلام يمكن فائدة مغبت كلام عبد الرحمن عدني كان الشيخ يحيى ملازما لدماج لا يخرج إلا لحاجة أو ضرورة منكبا على العلم صباح مساء تناقض مفضوح لماذا الآن عبد الرحمن ينصر بالحق لماذا يستخدم عبد الرحمن الآن نوز بوزا كيستو اسكو عبد الرحمن العدني إلى لوس كلام لا شك يسي بروباجي اسكي سي لا فيراسيتي دو سو كلام أم لا سي لوي ميم إلى أدمي كو الشيخ يحيى إلى دائما دماج صباح مساء يسور با إلا للضرورة maladie, ou ses parents, un d'eux il est malade. C'était ça le khuruj de Cheikh Yahya. Marouf, l'état de la situation de beaucoup de tullab à Dammaj, wallahi alhamd. Al-an, qui sait qu'il va se dire que Cheikh Yahya est parti en Arabie Saoudite et il a travaillé. Le travail, l'achat, ça prend un jour. Tu changes de pays pour travailler, ça va prendre combien de temps? Un mois, minimum, deux mois, un an, deux ans. Abdrahman Al-Adani, il a témoigné lui-même que Cheikh Yahya ne sortait pas. Illa les darou. Wa qala Shu'ub al-Jabri kadhalik, hadahu Allah. Un autre ta'an. Et on va montrer le tanaqud كذلك. قال لما حدثت حرب الخليج الثانية ودعت الحكومة اليمنية رعاياها أي سي اليمنيت الحكومة اليمنية على rappelé il y a eu مشكلة entre le Yémen et l'Arabie Saoudite في ذلك الزمن et الحكومة اليمنية على rappelé سي اليمنيت يرجعون إلى اليمن. قال لما حدثت حرب الخليج الثانية ودعت الحكومة اليمنية رعاياها من السعودية إلى العودة عاد هو ضمن من عاد فحضر إلى مركز دمج. عجيب سيرة شيخ يحيى ما أدري من أين أتى بها. يسمون خلنا بعض الناس ils ont tout fait pour faire une fitna entre الشيخ عبيد et الشيخ يحيى. لأن من أين جاء هذا الخبر الآن؟ من أين جاء؟ 1991-92 Harb al-Khalij, la guerre du Golfe. Des problèmes entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. Le gouvernement yéménite, il rappelle les Yéménites, ses compatriotes, il les rappelle et ils reviennent au Bilad, au Yémen. Parmi eux, Cheikh Yahya. Et Cheikh Yahya, il vient à Dammaj. Donc, à la hadar kalam, Cheikh Yahya, il est venu en 1411. 1491-1492 à Dammaj, d'après Cheikh Ubay. Et hatta hona, fil haqiqa, on ne voit pas, il est où le mal. Si ça serait vrai, s'il est venu 1411, et il a étudié, il est à la khayr, il est où l'ishkal? Il est où le problème? Lakin isma. Qala Cheikh Yahya al-Hajouri a'azzahullah. Il va démontrer un askalam, il n'est pas sahih. Qala wa hadithatul khalij, toujours dans le rad, qu'il a écrit sur ses mensonges. Wa hadithatul khalij al-madkoura, ma'roufa inda al-nas, kanat sanat 11 411. Qala ba'd khurouji li talab al-ilm fi dammaj inda sheikhina rahimahullah bi adad sinin. Cheikh Yahya, il démontre en la guerre du Golfe, ce qui rapporte sur Ubayd, soi-disant Cheikh Yahya, il est sorti d'Arabie Saoudite, il travaillait, et il est venu à Dammaj. Cheikh Yahya montre que ça faisait déjà des années qu'il était à Dammaj. Et Abdurrahman Adani, il le sait. Là. Et tous ceux qui étaient à Dammaj à l'époque, ils le savent. Et Cheikh Mokbil, il le sait. Rahmatullah alayhi. Il savait, là, il sait quand Cheikh Yahya est venu. Qala, bi'adat sini. et la biographie de Cheikh Yahya qu'il a écrit lui-même, Cheikh Yahya a démontré qu'il est rentré à Damaj en 1484. Donc 1405-1411, ça fait 6 ans, 6 ou 7 ans. Cheikh Obeid prétend que Cheikh Yahya est rentré à Damaj Delda, mais en fait il y a une différence de 6 ans. Une différence de 6 ans, c'est pas ça. قال الشيخ يحيى وحينها أي en 1411 quand il y a eu la guerre du Golfe, quand Cheikh Ubaid prétend Cheikh Yahya il était venu à Damaj, à cette époque Cheikh Yahya قال قد وحينها قد كنت بفضل الله أكملت حفظ القرآن الكريم. Cette époque j'avais déjà fini le Coran, Cheikh Yahya قال قال ورياض الصالحين par cœur. قال وبعد ما يسره الله من حفظ المتون المختصرة. Et ça montre l'ijtihad. Il y en a cette période là, 1484-1491, 6 ans, 7 ans, il connaît Wallah al-Hamd al-Qur'an par cœur, il connaît Riyad Salihin par cœur, il connaît des moutons par cœur. Bel, c'est devenu un mudarris à Dar al-Hadith, à Damaj. قال وكنت حينها أطلب العلم وأدرس إخواني طلاب العلم في بعض الدروس الخاصة. Ça c'est معروف à Damaj. Les frères qui ont atteint un certain niveau, ils peuvent aider leurs frères, ils ouvrent des dourous. Il طلب العلم, et lui-même, il étudie, et en même temps, il fait partager ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme ilm. قال وكنت حين أطلب علم ودرس إخواني طلاب علم في بعض الدروس الخاصة ولله الحمد والمنة. لماذا الآن لا أحد يرد على الشيخ عبيد يقول لماذا تشمسك الشيخ يحيى؟ قد يقول قائل il a pas menti. Quelqu'un lui a dit cette chose. نعم. لكن après le bayan de Cheikh Yahya il est obligé de montrer. Il dit صحيح. J'avais dit cette chose et en fait c'était pas la vérité. Et il revient sur ce قول. طيب. ما لا رجوع لا كلام. يرجم, il essaye de salir l'image, ça marche pas, il avance. والعجيب أن لا أحد يتكلم. أين الإنصاف؟ أين قول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ حديث أنس. Tu dois secourir ton frère. لا, t'as pas le droit. كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. L'honneur du musulman, elle est sacrée. الآن, لماذا il essaye de salir son honneur؟ العجيب, il essaie pas de salir son honneur avec des ma'asi, avec. Il cite des choses mubahah. تتعجب. Il travaillait et il est venu à Damaj en 1411. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, on a vu, le kalam, il n'est pas sahih. Il serait sahih, ça ne serait pas un intiqad. Mais Balouk, il n'est pas sahih. Et c'est ça. Ba'danas, quand il propageait Tadkurun, au départ, quand on était à Damaj, tu allais dans des sites internet où des frères t'appelaient, Cheikh Ubaid, il a mis en garde contre Cheikh Yahya. C'est ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il travaille. Il travaille dans un magasin. Et il est venu, il s'est sauvé l'Arabie Saoudite. Ah, mais il y a le kalam. Voilà, ghaïb. Petit à petit. Des autres choses qu'on citera. Mais ça démontre que ce n'est pas tout le kalam qui est accepté. Cheikh Ubaid, il a parlé sur Cheikh Yahya. Non, c'est quoi? Il entend ce titre. Il le met sur internet. Cheikh Ubaid, il parle sur Cheikh Yahya. Khalas, tu dois délaisser le khayr. Il faut sortir, il faut quitter. Il ne faut plus te l'obliger chez lui. Ah, badan. On est des salafis, on l'a déjà répété plusieurs fois, on n'est pas des soufis. Taqlid, et tout ce qui dit le shir, c'est ala al-ayn wa al-ra's. On applique la parole de l'imam Malik, kullun yu'khad min qawlihi wa yurad illa sahib hadha al-qabr. Illa al-Nabi alayhi wa sallam. On applique qawlullahi azza wa jal, wa ma atakum al-rasul fa khuduh, wa ma nahakum anhu vantahu wa taqullah. On prend tout ce que le prophète sallam il a dit, ama ghayra al-Nabi sallam, si. Il parle du haq, on prend. S'il parle du khata ou batil, on rejette. Al-an, billah alaykum, al-an, ce kalam, il est acceptable. Abadan. Wa qala, Cheikh Ubaid. Toujours hala dans le même maqala. Hala, al-an, c'est un maqala qu'il a sorti. Le but, c'est de salir l'image du Cheikh. Il cite ces choses. Qala, kadhalik. Wa qad taradahu, Cheikh Muqbil. Rahimahullah. Cheikh Muqbil, il a renvoyé Cheikh Yahya. Mra min ahl al-bilad, des gens de Damaj. On parlait avec واحد et on lui avait demandé hada. Wallah, il a souri. Il a dit hada, c'est un kalam ajib. Et Anahoua, c'est un villageois, il est à Damaj, il est né à Damaj, il a grandi à Damaj. Il a connu Cheikh Muqbil, il a connu Cheikh Yahya. Il sait tout ça. Quand on lui a cité hada, il a souri. Comment il l'a renvoyé? C'est son successeur. Et les tolab anciens, kadhalik. Hatta al-maftouni, n'adam. Les anciens, Ka'ad Rahman Adani et l'Akhirik, Adhani, ils savent que ce n'est pas sahih. قال وقد طرده الشيخ مقبل رحمه الله حدثت منه تصرفات جعلت الشيخ. C'est quoi ces tasarrufats? شوف الكلام المبهم كلام إلي global لا سيت c'est quoi qu'est-ce qui s'est passé Cheikh Mokbil l'a envoyé لماذا لأنه il a fait des choses تصرفات c'est quoi on veut savoir نحن en détail قال تصرفات جعلت الشيخ يطرده donc Cheikh Yahya il a fait des choses il a été renvoyé quand on ne sait pas quand est-ce que Cheikh Yahya est revenu لأنه Cheikh Yahya c'est lui qui a fini sur le cursi donc après être renvoyé il est forcément revenu à Dammaj quand Allah Alam personne ne sait Et أعجب من هذا قوله فتوسط له بالبقاء donc il a été renvoyé donc en réalité il n'est pas sorti de Damme pourquoi il y en a une personne à la fait chafa'a فتوسط له بالبقاء أخونا الشيخ عبد الرحمن العدني وهذه أظن عبد الرحمن العدني il a dû entendre مثل هذا الكلام il a dû être mal لأنه on a lu son كلام تذكروا أنه il a lu le كلام sur Cheikh Yahya après la mort de Cheikh Mokbil Donc, Cheikh Ouaid, il dit que Cheikh Yahya s'est fait renvoyer à l'époque de Cheikh Mokbil. Nous, la thèse qu'on a lue de Abd al-Rahman Adani sur Cheikh Yahya, c'est un kibar à l'Sunnah. C'est un savant. C'est un grand élève de Cheikh Mokbil. Il était motivé. Il ne sortait jamais. Des qualités. Des qualités. Une information, il s'est fait renvoyer. Qala Cheikh Yahya, Hafidahullah. Hada wallah kulluhu kadibun mafdouh. Sahih. Combien d'élèves à Dammaj Wahad y témoigne. Qui était à Dammaj Il témoigne à Cheikh Yahya, il s'est fait renvoyer. Allah, nous, on est à Dammaj. Et on sait, avec les informations qu'on a eues, Anna Ba'danès, il faisait des choses. C'était. Il venait des nouveaux. Ba'danès était occupé par le commerce. Ba'danès, ils avaient des afkars. Ba'danès, Cheikh Mokbil, il les conseillait. Et il a envoyé des tollabs. Des tollabs. Il fallait les renvoyer, il les a renvoyés. Cheikh Yahya, Kadalik. On connaît un peu le système de Dammaj. Là, pour envoyer Wahed, il faut vraiment. Vraiment, il a fait des choses. Comme on a vu Cheikh Yahya, des frères, ils ont fait des choses et ils leur pardonnent. Ils disent Khalas, arrête de faire ça. Il le renvoie quand Khalas. Il n'y a plus de solution et il fait du mal. Cheikh Mokbil, Kadalik. Comment l'âme, une race, une rouse dans le hadith, un des grands mudarris, un des grands machaïrs, بل celui qui est devenu القائم على دار الحديد celui qui est devenu le successeur de Cheikh Mokbil il s'est fait renvoyer من أين جاء هذا الآن نحن نجي كما قال عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين دو سامي هذا الكلام قال هذا والله كله كذب مفضوح فلم أعمل في دكان أبو ريالين يعني أجل زديس دعنا مما قال الشيخ يحيى إلى الرب sur tous ces mensonges il jure والله Vous vous rappelez du hadith du prophète Aïssa al-Salam Al-bayyinatu ala al-mudda'i wal-yamin ala man ankar. Si on t'accuse de quelque chose, jure. Wallah, je n'ai pas fait cette chose. Celui qui est accusé doit emmener le bayyina. S'il n'emmène pas le bayyina, c'est un menteur. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Si tu n'emmènes pas le burhan, c'est que tu n'es pas min as-sadiqin. Al-an, Cheikh Yahya, il a juré. On entend, nous le burhan ala hada, ça fait des années, wala burhan. مع هذا لا تفضل طبعا لسوق شيخ عبي مع هذا لا سلويك عزون مع هذا سلويك كريتيكي الحجوري avec des أدلة إيش من أدلة هذا c'est ça la critique là jusqu'à cette étape on a ce كلام قال الشيخ يحيى ولم يطردني الشيخ رحمه الله تعالى يوما من الدهر الشيخ ما jamais renvoyé ولو أبدا jamais قال بل كان لي محبا محترما وكنت له محبا مجلا وكنت اماما للصلاه ça renforce Cheikh Yahya الان ولله الحمد il est arrivé très tôt en 1405 il a appris le Coran il a appris Riyad Salihin c'est devenu un professeur à Dammaj بل Cheikh Mokbil très tôt l'imam de Dar al-Hadid c'était Cheikh Yahya في التراويح وفي الصلوات كذلك il était imam al-Mazra'a l'autre masjid Cheikh Yahya ça montre qu'il avait une place c'est un imam dans les masajid Cheikh Mokbil il prie derrière lui كيف هذا il dit il a été renvoyé وكنت اماما للصلاة اصلي بهم في رمضان وفي غيره هذا c'est معروف هذا c'est معروف عبد الرحمن عدني il sait ce que t'as dans ma vie il savait هذا قال وجعلني رحمه الله انوب عنه في حال غيابه صحيح كذلك quand Cheikh Mokbil il voyageait ou il tombait malade Son remplaçant s'était devenu Cheikh Yahya. Remplaçant de Cheikh Mokbil, rahmatullah alayhi. Imam Ahl al-Sunnah fi hada al-asr fi al-diyar al-yamaniyya. Qala wa idha qumtu ila ad-dars wa huwa marid ربما يمر على المتأخرين في آخر الدرس فيقدمهم. هذا معروف أن الشيخ يحيى مرة ستلوكي دون الدرس لأن الشيخ مقبل لتفاتيجي أو مالات الشيخ مقبل يفنو مسجد et les frères qui étaient assis tout au fond ils les ramassaient qu'ils écoutent le dors de cette personne qui l'a renvoyé. قال وربما يمر على المتأخرين في آخر الدرس فيقدمهم للإمام للأمام ويقول لهم الدرس الدرس وبعض الأوقات يجلس في الحلقة يستمع. Et أحيانا الشيخ مقبل lui-même il s'asseyait dans الحلقة et il écoutait le dors que الشيخ يحيى donne. Tout ça l'an Cheikh Ubaid va faire apparaître un tour l'an on récapitule. C'est un souqi. Salat al-Lisan. Il travaille. Il est venu à Dammaj après. Il n'est pas venu en 1405. Tout ça, il a été renvoyé. Quelle image tu as de ce talib? Alors, on est venu nous. Je te dis, on est à Dammaj et un frère, Cheikh Yahya, il l'a renvoyé. Il parle mal. Et il n'est pas sérieux dans l'ilm. Ben, il a dit, Nash'atuhu laysat ilmiya. Il n'a pas été éduqué dans l'ilm. Je te cite tout ça, tu vas dire, ah, miskin, c'est un talib. Qu'Allah il le guide, si on peut le conseiller. C'est ça qu'il a voulu faire apparaître de Cheikh Yahya. Un, tout ce que Cheikh Yahya a cité, c'est pas le même homme, fait l'aqiqa. أنه حافظ قرآن حافظ رياض صالحين دموتون الشيخ مقبل il l'a désigné comme imam الشيخ مقبل il l'a désigné s'il est malade celui qui donne les دروس tout ça est-ce que c'est le même طالب أبدا. نحن الآن تتعجب d'où ce كلام il est venu. يا أخي t'as du علم montre les erreurs أما essayer de faire tomber هكذا c'est Allah سبحانه وتعالى qui élève et qui rabaisse qui il veut. كذلك un autre point, لماذا Cheikh Yahya il a repris le cursi 1422, on va dire après la mort de Cheikh Mokbil, sans citer avant quand il était malade, quand Cheikh Mokbil est parti en Arabie Saoudite, en Allemagne, aux États-Unis, toute cette période c'est Cheikh Yahya qui donnait les durus. Thumma Cheikh Mokbil rahmatullah alayhi il est mort et il a écrit son célèbre testament et il a indiqué que celui qui succède c'est Cheikh Yahya. On est en 1422. Le rad de Cheikh Ubaid, il est en 1400. On est en 1430 à peu près, le 1. 1422, 1438 ans. L'imada Cheikh Mokbil, pendant 8 ans, il a laissé les gens s'égarer. L'imada, il a laissé les gens aller tlob l'ilm chez Souqi. L'imada, il a laissé les gens tlob l'ilm chez ce talib qui s'est fait renvoyer. L'imada, pourquoi il parle en 1430? Combien d'élèves de 1422 à 1430 ils sont partis à Dammaj? Combien? Ils allaient pourquoi? Pour les murs? Ils allaient pourquoi à Dammaj? Pour le Jebel? Ils allaient pourquoi? Pour s'asseoir avec les gens du village? Abadan. Celui qui allait à Dammaj, c'est pour prendre l'ilm, عند الشيخ يحيى. Et ensuite, prendre l'ilm des autres professeurs. Lakin, quand tu es en France, ou en Indonésie, aux États-Unis, où que tu sois, Dammaj, c'est. Je vais chez Cheikh Mokbil quand il était vivant. Cheikh Mokbil, il est mort, je vais chez son successeur, Cheikh Yahya. Nahada. Ou la ghayr. Atahadda wahad qui est en France ou autre, il allait à Dammaj pour un professeur autre que Cheikh Yahya Abedin. فلماذا الآن ce retardement لماذا pourquoi il n'a pas payé وإجمع العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة c'est haram. فلماذا à cette période إلا parce qu'il y a eu la fitna avec Abdurrahman Adani et الآن il faut faire tomber Cheikh Yahya فقط بل Cheikh Ubaid parlant bien de Cheikh Yahya بل هو بنفسه قد يقول قائل لا mais Cheikh Ubaid en 1430 ils nous ont informé. Il ne savait pas lui aussi. Quelqu'un l'a informé. C'est qui? Al-An, il a été informé. On sait c'est qui. Cheikh Yahya, il a juré qu'il n'a pas fait ça. Comment on fait? Pourquoi on n'applique pas les règles? قال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لماذا on n'applique pas le Coran ou le Sunnah? Ou le Salafia, une étiquette فقط. لماذا? لماذا on dit à Cheikh Ubaid? Il a juré qu'il n'avait pas fait ces choses. Démontre avec des adillah, avec des témoignages authentiques. Amma riwaya taqul, on m'a rapporté, il a fait des choses, c'est pas du ilm hada. Isma'l an, kalam, wa thana, wa tazkiyat al-imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahmatullah alayhi. On va citer, mukhtasaran, kalam, Sheikh Muqbil sur Sheikh Yahya. Pour démontrer la différence entre. Kalam de Cheikh Mokbil, il connaît son élève, Cheikh Yahya c'est son élève. Il connaît son successeur, la preuve, il l'a désigné. Et fait haqiqa, le kalam de Cheikh Ubaid, fait haqiqa, c'est un ta'am de Cheikh Mokbil. Comment Cheikh Mokbil il va désigner comme successeur? Il n'a pas d'ilm, c'est un souqi. Il s'est fait renvoyer, il travaillait. Il va désigner Hada comme successeur. C'est un ta'an kadhalik dans le hadith d'Ammaj, dans le hadith d'Ammaj. Cette école, tous ses élèves, il n'y a que cet élève mauvais qui s'est fait renvoyer pour succéder à Cheikh Moukoubil. Qala Cheikh Moukoubil, isma, fi wasiyyatih, wa usihim bi Cheikh al-Fadil Yahya ibn Ali al-Hajuri khayra, wa alla yardu bi nuzuli an al-kursi fa huwa nasih al-amin. Elle va venir cette mas'ala. Il y en a ba'duhum après, ils ont reproché, vous avez du rouleau sur Cheikh Yahya, vous dites nasih amin. Cheikh Moukoubil, il l'a dit, fa huwa nasih al-amin. Elle viendra. Al-An, est-ce que Cheikh Moukbil, il va désigner ce successeur qui est aussi mauvais pour Cheikh Ubay? Ça, c'est le kalam al-awwal. Al-Thani, قال Cheikh Moukbil, rahmatullah alayhi, في مقدمة تحقيق إصلاح المجتمع, un des livres de Cheikh Yahya, إصلاح المجتمع, al-Asl lil-Bayhan. Cheikh Yahya, il a fait un tahqiq et un ta'liq alayhi. Cheikh Moukbil, il a préfacé le livre. قال, wal-akh, الشيخ يحيى بن علي الحجوري بحمد الله قد أصبح مرجعا في التدريس والفتاوى. C'est devenu une référence dans le tadris, dans l'enseignement et dans les fatawa. Il peut donner des fatawa. قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه في مقدمة ضياء السالكين, كتاب نافع جدا, ضياء السالكين في أحكام المسافرين. C'est un livre de الشيخ يحيى حفظه الله sur les règles du voyageur. Il est طيب جدا. الشيخ مقبل il a fait la préface. C'est un livre, Tayyib, il cite Cheikh Yahya toutes les règles du voyageur avec des adilat de kitab au sunnah et des athars. Matalan, il dit parmi les comportements du voyageur, siyam. Est-ce qu'il fait son? Et il cite. Salat. Il fait deux raka'a. Il rassemble. Beaucoup de choses comme ça. Beaucoup de choses. Pas que dans les ibadat, dans le mu'amalat. C'est un livre, il est jami' fi ahkam musafirin, il est Tayyib. Cheikh Moukbil qal, il a lu ce livre, il l'a préfacé, qal, faqad quri'a alayya shatrun. Belle, une personne, elle a lu à Cheikh Moukbil une partie de la Risale à Cheikh Yahya. Chatron, c'est une partie. Qala Risale al-Safar li akhina billah. Al-Sheikh al-Fadil. Isma' al-An. Al-Sheikh al-Fadil. Al-Taqi. Al-Zahid. Al-Muhaddith. Al-Faqih. Ça, c'est pour ceux qui disent c'est pas alim. Vous avez du roulou. Al-Sheikh. Fadil. Taqi. Zahid. Al-Muhaddith. Même le muhaddith, certains ils disent pourquoi vous dites que c'est un muhaddith? Son cheikh il le dit. Et le muhaddith c'est celui qui a du ilm al-hadith. Le muhaddith c'est pas celui que tu désignes ant. قال الفقيه أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله. هذا cet élève qu'il a renvoyé et qui est aussi mauvais, autant mauvais que ça. هذا cette tazkiya. Est-ce que beaucoup d'élèves de Cheikh Moukbil ont eu cette tazkiya? Est-ce que beaucoup? Abadan. أبدا أما شيخ عبيد هو يفق قوة أن شيخ يحيى خلاص تخوني بال علم دلوي دي موفي سوقي. قال وقال رحمه الله في مقدمة أحكام التيمم, كذلك أحكام التيمم رسالة نافعة في الحقيقة لا يتبخيز دو شرح منتقى بن الجارود دو الشيخ يحيى, يعني شرح كبير على المنتقى, منتقى بن الجارود سأن ليف كم صحيح البخاري دي حديد دي حديد سأغسهم لبلوغ المرام الشيخ يحيى لأن شرح عليه. أحيانا الشيخ le livre il n'a pas encore été imprimé, Sharh Muntaqa ibn Jarud, il est fini, il n'a pas été imprimé, mais ça prenait du temps. Il prenait des abouab, il a pris les hadiths de Ibn Jarud, son explication qu'il a fait, et il l'a tba' à part, ça donne une petite risale. Mais en fait, ça fait partie d'un grand sharh. Qala Cheikh Moukbil rahmatullah alayh, il a parlé en bien de Cheikh Yahya, thumma qala هذا يدل أو معنى كلامه نحن نعم كشاهد قال على تبحره في علم الحديث والفقه. تبحر, تبحر سمي جو مبحر لسيان دك تدي تبحر علم أو تبحر فلان بهذا العلم أو هذا يدل على تبحره سمونت كلا بوكود علم سي كمباري عن لسيان في ماذا؟ في علم الحديث والفقه. هذه تزكية شيخ مقبل. وقال رحمة الله عليه في مقدمة أحكام الجمعة كذلك سان كتاب طيب. C'est le même principe que Ahkam Musafirin. Toutes les règles qu'ils ont rapport avec le Jumu'ah. Wallahi alhamd, on l'a résumé ce livre. On avait fait des kalimat avec بعض الاخوة après le dars sifat salat nabi qu'on avait donné à Dammaj, on avait résumé les règles de le Jumu'ah en 3 ou 4 cours. Wallahi alhamd. قال شيخ مقبل والشيخ يحيى حفظه الله في غاية من التحري. الغاية il est très pointu. Fait tahri, il fait attention à ses sources, fait attention à son kalam. قال والتقى, ça vient de taqwa. قال والزهد والورع وخشية الله عز وجل, وخشية الله عز وجل. هذا يكالي فيه هكذا الشيخ يحيى. قال قام بالنيابة عني في دروس دار الحديث بدماج يلقيها على أحسن ما يرى. شيخ مقبل يتموان أن الشيخ يحيى il va succéder, c'est lui qui donne des cours à Dammaj à sa place quand il est malade ou absent. كذلك il va écrire dans le testament après sa mort, ça sera lui qui continue. Et il a dit قال رحمة الله عليه يلقيها على أحسن ما يرى. Et alhamdulillah, il donne ses cours de la meilleure manière. Cheikh Mourbel, il est satisfait, amna. Il est satisfait, là, la preuve, il l'a désigné. Il n'aurait pas voulu, il aurait dit là, on ne met pas Yahya al-Hajouri, on met un autre. Kadalik, s'il a choisi Cheikh Yahya, ça montre son niveau. Ça montre son niveau. Et anta, si tu dois choisir quelqu'un pour te remplacer dans ton masjid ou dans ton marquise, tu vas choisir celui que tu vois le plus apte. Tu ne vas pas prendre wahed, tu as des doutes, ou wahed. Il y a une personne, elle peut faire cette chose mieux, tu vas prendre le mieux. La shakada. Hada, ça montre كذلك la place de Cheikh Yahya عند Cheikh Muqbil. ونحن في الحقيقة, on a cité cet azaki, illa pour montrer manzilat Cheikh Yahya al-Haqiqiyya. Et on a cité les paroles de son Cheikh, Cheikh Muqbil. On aurait pu citer des autres. Et on les a déjà cités dans d'autres durus. Lakin hadi takfir. Kadhalik, on n'a pas cité hada al-kalam et on a une conviction que le Cheikh Yahya ne peut pas s'égarer. Abatan. On n'a pas cité ce kalam al-an et si un jarh mufassar ilmi, on va le rejeter. Abatan. Abatan. Il y en a qui disent que le Cheikh Mukbil a bien parlé d'Abu al-Hassan, il a bien parlé de Fulam. Non. Lakin Abu al-Hassan, les preuves, elles ont été démontrées que c'est un égaré. Elles montrent que le Cheikh Yahya, il n'est plus à la hada. Bi'ilm. Amma, il travaille dans un magasin, amma, il a été renvoyé kalam farir là. بعلم كذلك des choses qui datent des années إما شيخ يحيى est revenu إما vous avez coupé les paroles كذلك c'est مردود comme on l'a montré dans ماذا ينقمون من الشيخ يحيى les دروس qu'on avait fait هذا أما الاعتقاد أن الشيخ يحيى معصوم il ne peut pas se tromper on appuie بكلام الشيخ مقبل أبدا لكن on reste sur الأصل il est على خير celui qui veut nous prouver autre chose يتفضل بعلم وبإنصاف et le but c'est le حق avec ces trois choses يتفضل أما الحق والحسد والتقليد وغير ذلك من الأمراض ساس مرفوع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مع تحية دماج أفاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين